et trois quarts d'heure de moins. Je t'aurais pris la main, boulevard des autobus. On aurait marché loin vers les matins promesses. Toi blotti dans mes reins, ta nouvelle adresse. Avec 20 ans de moins et une heure à crédit, je t'aurais dit tu viens, ou je n'aurais rien dit. Simplement sur ta joue, il y aurait ma morsure. Dis-moi, à quoi tu joues? Je joue pas, je te jure. Avec 20 ans de moins. Avec 20 ans de moins, avec 20 ans de moins, je t'aurais fait tomber de ma désinvolture. Je t'aurais fait un bébé de ma caricature. Avec 20 ans de moins et 2 heures devant moi, j'aurais été ce chien qui a aimé un chat. On aurait fait la guerre, toutes griffes dehors. Puis l'amour par terre, puis l'amour à mort. Avec 20 ans de moins et 3 heures à la suite, comme au flipper du coin, une partie gratuite. Tu m'aurais pris la tête et le corps tout entier, en ayant du poète que la rime sans pitié. Avec 20 ans de moins, avec 20 ans de moins, avec 20 ans c'est rien. Je t'aurais fait pleurer de toute ma musique. Tu m'aurais fait couler d'un amour titanique. Avec 20 ans de moins et 1 minute encore, je t'aurais pris la main sans réveiller ton corps. Je t'aurais vu dormir sans faire bouger les...